Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les mille et une vies de l'humanisme. Le mot « humaniste » est présent dans le dictionnaire de l'Académie française dès sa quatrième édition, en 1762. Il désigne celui qui sait bien ses humanités. Ah, celui-là, celui qui les enseigne. Mais le sens du mot évolue peu. Il reste ainsi jusqu'à l'édition de 1932, 170 ans plus tard. Humaniste est celui qui a une connaissance approfondie de la langue, de la littérature grecque et romaine. Aujourd'hui, pour la 9e édition, la définition s'est étoffée. L'humaniste est le penseur qui fonde sa réflexion sur la reconnaissance de l'homme comme valeur universelle. Humanisme, métamorphose d'une idée. La philosophie de l'existence n'est pas seulement, comme le croirait un lecteur pressé, la philosophie qui met dans l'homme la liberté avant l'essence. Wow ! Mais une telle liberté n'est pas non plus le libre arbitre narcissique jusqu'où se guinde le stoïcien. Si l'on comprend par humanisme en général l'effort qui rend l'homme libre pour son humanité et lui fait ainsi découvrir sa dignité, l'humanisme se différencie suivant la conception qu'on a de la liberté et de la nature de l'homme. Bonjour Stéphane Pujol. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française du 18e siècle à l'université Toulouse Jean Jaurès. Quand nous réfléchissons au mot humanisme, humaniste, il faut toujours recontextualiser en fait, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut dire à quel moment nous nous plaçons. Absolument, absolument. C'est un paradoxe en fait constitutif de l'histoire du mot et du concept, puisque historiquement, comme vous l'avez rappelé, ça désigne au premier chef un mouvement intellectuel qui se développe en Europe à la Renaissance et qui renoue avec la civilisation gréco-latine. Et par analogie, ça désigne un type de culture, hein, le résultat d'une formation. Mais le mot, en fait, il a été forgé bien après, hein, la Renaissance. Et par ailleurs, il prend une autre signification avec le temps, et notamment aujourd'hui encore, enfin, je veux dire, depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire une attitude philosophique qui tient l'homme pour valeur suprême et qui revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Alors, où est le paradoxe ? Eh bien, dans l'histoire du mot, puisque le mot a été forgé au XVIIIe siècle, mais il est passé presque inaperçu à ce moment-là, et il désignait dans un journal de 1765 qui s'appelait les Éphémérides du citoyen, ça désignait l'amour de l'humanité. Et puis c'est devenu l'histoire culturelle a oublié ce sens premier pour retenir le sens classique, j'ai envie de dire, celui de l'humanisme comme mouvement culturel. Mais en réalité, les deux sens, comme on le comprend aisément, ne sont pas foncièrement hétérogènes. D'ailleurs, on peut revenir à l'étymologie, parce qu'il y a de l'humain dans absolument, l'étymologie absolument. D'humanisme. L'idée, c'est ça. C'est qu'est-ce que l'humanisme ? C'est de mettre l'homme au centre, ou remettre l'homme au centre, absolument. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, pour réfléchir aux métamorphoses de cette étrange chose, cette notion, ce concept, l'humanisme, Juliette Grange, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'université François Rabelais, c'est à Tours. Ce mot humaniste, c'est vrai qu'il est très très difficile à manier parce que il est brandi comme ça et on pense à la conscience que l'on peut avoir de la valeur de l'humain au centre de l'existence, très bien. Mais ce n'est pas que ça et on entend bien déjà que le mot est forgé longtemps après ce qu'il désigne, c'est-à-dire le mouvement de la Renaissance. Oui, en tant que 19e-iste, j'affirme que humanisme est un terme non pas créé mais fixé au 19e siècle pour désigner les érudits de 4 siècles plus tôt, mais qui s'appelaient pas ainsi, ces commentateurs des textes grecs et romains qui ont rompu avec le Moyen-Âge. Donc d'après moi, en fait, c'est sans doute Michelet qui a fixé les catégories de Renaissance, Moyen-Âge et d'humanisme, qui a repéré ce moment fondamental où les literae humanores s'opposent aux literae sacrae, c'est-à-dire l'étude de la théologie est remplacée par l'examen critique des textes. Donc c'est cela qui se passe au XIXe siècle, et je crois que le terme humanisme, pour la première fois dans le sens général, qui est toujours celui avec lequel nous l'employons, donc c'est Proudhon en 1852, qui désigne par là, citation, « doctrine qui prend pour fin la personne humaine ». Donc c'est assez tardif, on imagine que c'est contemporain du phénomène, mais pas du tout. Et tout le XIXe siècle est traversé par cette volonté de fixer l'humanisme. Proudhon voulait écrire une Bible du genre humain. Michelet publie la Bible de l'humanité. Leroux écrit de l'humanité, Pierre Leroux. Auguste Comte fonde la religion de l'humanité. Donc ça traverse le siècle. Et à mon avis, c'est lié à l'histoire, qui est la grande préoccupation du XIXe siècle chez les philosophes, Hegel, Comte, etc. Donc, et l'histoire comme récit de l'éducation du genre humain, de la création du genre humain par lui-même, puisque l'homme existe dans le temps désormais, ne tient plus sa définition de la théologie de Dieu ou d'une autorité extérieure. Donc, pour moi, 19e, évidemment, je prêche pour ma paroisse, donc je pense que le terme se fixe nettement dans le langage courant, d'abord en philosophie, ou en tout cas chez les penseurs comme Proudhon au 19e siècle. Ah ben ça va, vous êtes d'accord en fait, Julienne Grange, 19e, et Stéphane Pujol, spécialiste du 18e siècle, parce que il naît au 18e siècle, mais avant qu'il s'impose, il faut un petit peu de temps. Oui, les mots, il est rare que, surtout les mots en isme, souvent ils font une apparition, ils disparaissent ensuite, et puis ils reprennent un sens nouveau. C'est vrai que, et puis encore une fois, le mot tel qu'il apparaît dans les éphémérides du citoyen, il renvoie à quelque chose, à un nouveau paradigme en fait. Et c'est ça qui me paraît intéressant au XVIIIe siècle, c'est que en fait c'est la promotion de la notion d'humanité. L'humanité, humanisme et humanité, ce qu'on peut on pourrait penser ça va de soi. Et en fait non, ça va pas de soi. Si on repense à la notion telle qu'elle a été forgée en effet par le XIXe siècle pour repenser le mouvement culturel de la Renaissance, c'est pas nécessairement l'humanité comme sentiment, comme valeur qui est promue, c'est tout autre chose. Enfin, c'est autre chose. Alors que le paradigme qu'instaurent les Lumières, me semble-t-il, c'est cette notion d'humanité à la fois comme fait et comme valeur. Alors, on a encore un paradoxe. Comment l'humanité peut-elle à la fois être un fait et une valeur? C'est-à-dire un fait qu'on ne peut pas discuter. Nous sommes tous des hommes, au sens générique du terme. Notre nature humaine nous est commune. On peut pas le nier. Et en même temps, une valeur, c'est-à-dire une qualité, une vertu. Comment comprendre finalement cette injonction « sois humain » quand on dit « ça paraît absurde » puisque au sens de « fait preuve de sentiment d'humanité ». Comment demander à un humain d'être humain, et je ne joue pas sur les mots, c'est bien ça dont il s'agit, rappeler aux hommes, ce que les Lumières font, c'est rappeler aux hommes que leur commune humanité leur enjoint de faire preuve d'humanité, c'est-à-dire de bienveillance et de compassion. Et c'est le sens d'ailleurs de l'article « Humanité » de l'encyclopédie des droits d'Alembert. Ah, parce que ici, dans la recherche de la définition de l'humanisme comme une évidence, le mieux est d'aller chercher dans les dictionnaires. Moi, j'ai utilisé le dictionnaire de l'Académie française, très bien, mais il y a aussi l'encyclopédie. Homme, politique. Il n'y a de véritable richesse que l'homme et la terre. L'homme ne vaut rien sans la terre, et la terre ne vaut rien sans l'homme. L'homme vaut par le nombre. Plus une société est nombreuse, plus elle est puissante pendant la paix, plus elle est redoutable dans les temps de guerre. Un souverain s'occupera donc sérieusement de la multiplication de ses sujets. Plus il aura de sujets, plus il aura de commerçants, d'ouvriers, de soldats. Baptiste Malartre qui lisait la définition de l'homme dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui change ici? Parce que c'est vrai qu'on voit bien dans la définition même de l'humanisme ou de l'humanisme, c'est la personne qui se consacre à ses humanités. Et puis tout doucement, c'est la personne qui maîtrise le latin et le grec. Mais On sent bien que dans ce 18e siècle-là, ça s'élargit. En fait, c'est le mot qui prend plus d'ampleur. Oui, oui, tout à fait. C'est, alors, il n'y a pas d'article humanisme dans l'encyclopédie, pour les raisons qu'on a dites et que Julien Grange a rappelées. Mais il y a l'article humanité qui est rédigé par un poète, et par Saint Lambert, qui sera, c'est intéressant, ça sera un de ceux qui, dans la deuxième moitié du siècle, ont pris la défense des Noirs, des esclaves, et qui ont contribué à créer un mouvement d'opinion en leur faveur. Et c'est lui qui rédige probablement l'article humanité, et il insiste bien sur cette idée que c'est un sentiment de bienveillance pour tous les hommes, je cite, qui ne s'enflamme guère que dans une âme grande et sensible, ce noble et sublime enthousiasme se tourmente des peines des autres et du besoin de les soulager. Et c'est au nom de cette conception de l'humain, en tant qu'être rationnel aussi, mais être sensible, être capable de compassion pour les autres humains, que Voltaire, par exemple, fait la promotion du concept de tolérance. Les choses sont intimement liées. Dans le magnifique traité sur la tolérance publié au moment de l'affaire Calas, enfin, pendant cette l'histoire de l'affaire Calas, il écrit quand commencerons-nous à pratiquer les vrais principes de l'humanité. Et dans le dictionnaire philosophique, à l'article tolérance, il dit qu'est-ce que la tolérance? C'est l'apanage de l'humanité. Donc, voyez, le respect de la dignité de l'homme devient l'horizon éthique de ce nouvel humanisme qui est celui des Lumières. Respecter l'homme. Juliette Grange, je profite de vous avoir, 19e, pour faire une parenthèse, parce que quand on dit l'humanisme, c'est la connaissance approfondie des langues, de la littérature grecque et romaine. Il faut quand même rappeler que tous ces auteurs, ces autrices du 19e siècle maîtrisent le latin, le grec aussi en partie. C'est-à-dire que ce n'est pas excluant, ce n'est pas parce que l'on ajoute une couche à la définition d'humanisme qu'on oublie la base, le latin, le grec. Oui, le latin, le grec, la culture classique, l'humanitas de Cicéron, c'est-à-dire l'éducation libérale et la culture, sont toujours là, mais s'ajoutent chez la plupart des grands du 19e siècle. Donc l'idée que les sciences exactes, les sciences humaines, dans la lignée de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, bien sûr, mais est-ce qualité, complète cette culture beaucoup plus classique, ces deux cultures ne s'opposent pas. De plus, ces cultures doivent être proposées à tous, du moins en principe. Donc, il y a beaucoup de projets d'encyclopédie, il y a beaucoup de propositions dans la presse, d'éducation populaire, la vulgarisation, la connaissance classique et scientifique est émancipatrice pour l'humanité. Alors la différence avec le 18e siècle, c'est que peut-être, mais mon collègue me contredira peut-être, ce n'est plus simplement la raison qui caractérise l'humanité, mais dans le cadre de la pensée romantique, d'autres aptitudes à créer du sens. L'humanité a d'autres aptitudes à créer du sens par l'art, le sentiment, les religions. On verra avec la religion de l'humanité de Comte. Donc, la culture classique, les sciences, tout court, et les sciences humaines, tout cela fait partie des humanités qui ont une définition très élargie. Et c'est plus simplement le raisonnement ou la rationalité qui est centrale. La condition humaine est terrestre. Et donc l'éducation du genre humain a besoin donc de toutes les dimensions de la connaissance, du savoir et de la culture. Stéphane Pujol. Oui, tout à fait, je rejoins tout à fait ce que dit ma collègue. Alors l'encyclopédie, je la remercie, elle joue un rôle pivot, parce que là, précisément, on voit bien comment ça s'articule avec le souhait des penseurs et de la Renaissance, c'est-à-dire créer un outil qui permette de réunir et de repenser, de reconfigurer l'ensemble des savoirs, avec cette formidable idée de génie et très très novatrice pour l'époque, d'associer les sciences et les techniques, y compris dans ce qu'elles ont de plus, la promotion du travail manuel, par exemple, qui est tout à fait extraordinaire dans l'encyclopédie. Donc, c'est l'homme, j'ai envie de dire, dans toute la variété de ses activités, y compris dans les ateliers, dans les fabriques, sur les arsenaux, et l'encyclopédie là, il y a un lien absolument évident avec le projet humaniste initial, c'est-à-dire de repenser l'ensemble des disciplines sans cloisonnement. Ça aussi, c'est intéressant. L'homme, il est divers. Il est aussi apte à saisir conjointement, avant la spécialisation des savoirs, tout au moins, l'ensemble des matières et des disciplines. Les philosophes des Lumières sont souvent à la fois mathématiciens, géomètres, poètes, philosophes, etc. Et il y a bien, d'ailleurs, l'encyclopédie à l'origine, elle s'est inspirée de Bacon, du Novum Organum. Donc il y a cette filiation, c'est-à-dire effectivement, et par ailleurs, les philosophes des Lumières sont pour la plupart, Diderot par exemple, est à la fois latiniste et helléniste. Ils ont fait leurs études, ils ont fait leurs humanités. Donc, ils ont bien présent à l'esprit cette culture antique. Mais ils la pensent dans une configuration intellectuelle qui est différente. Et ma collègue a dit, la mettre au service de tous. Ça, c'est capital. Et on retrouve le même phénomène, Juliette Grange, au XIXe siècle, par l'intérêt multiple que peuvent porter tous ceux qui réfléchissent alors à tout. C'est ça qui est intéressant, ce n'est pas cloisonner l'humanisme, celui de la Renaissance, celui des philosophes des Lumières et celui des hommes du XIXe siècle. Le XIXe siècle est peut-être le dernier moment dans l'histoire où il y a vraiment l'ambition pour la philosophie d'embrasser l'ensemble de la vie humaine et de la connaissance. Ensuite, je pense qu'au XXe siècle, cet idéal, on devra y renoncer du fait de l'évolution des sciences, entre autres. Donc, il y a là une ambition qui est admirable, mais qui peut-être va porter à l'humanisme, enfin, le fait d'y renoncer à cette grande généralité philosophique, au fait de rendre accessible et de pouvoir penser ensemble tous les phénomènes humains. Peut-être qu'au XXe siècle, on va avoir des difficultés à être humaniste à cause de l'incapacité de la philosophie peut-être à rassembler des considérations sur tous les aspects de la vie et sur tous les savoirs. Donc, Auguste Comte, dont je suis en partie spécialiste, donc c'est un philosophe tout à fait central pour caractériser l'humanisme du XIXe siècle, puisqu'il écrit une anthropologie humaniste, en quelque sorte. Sa philosophie est une sorte d'anthropologie humaniste qui répond aux questions kantiennes. Que puis-je savoir ? Donc, c'est le cours de philosophie positive, où il explore toutes les sciences exactes et il fonde la science humaine. Que puis-je espérer ? C'est la politique, la morale et la religion. Et surtout, qu'est-ce que l'homme ? La troisième question. Le connais-toi toi-même socratique passe désormais par les sciences, en particulier par les sciences humaines. Donc c'est au centre, l'homme est au centre de cette philosophie, explorée dans ses capacités de connaissance, dans ses capacités d'espérance et d'organisation, et dans son questionnement sur lui-même. Le connais-toi toi-même, nouvelle manière, au travers donc de l'histoire et des sciences humaines, entre autres, et de la philosophie. Juliette Grange, vous êtes l'autrice de Comte, philosophie politique. Alors, je profite de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous pour vous poser la question. Alors, c'est quoi Auguste Comte et le positivisme ? C'est quoi le positivisme en lien avec l'humanisme ? C'est difficile de parler du positivisme aujourd'hui parce que, comme beaucoup d'ismes, comme le disait mon collègue, ce mot a eu divers destins. Donc, Comte a inventé le néologisme, mais malheureusement, ce néologisme a eu une histoire différente au XXe siècle. Alors j'ai essayé de lancer le terme de comtisme pour caractériser le positivisme de Comte, mais ça ne marche guère. De toute façon, le commentaire de Comte est pas tellement in, on va dire. Donc Comte est un philosophe profondément humaniste et peut-être l'un des derniers, je pense. Oui, c'est ça, Auguste Comte, qui a profondément marqué le 19e siècle, mais une question demeure, Dieu dans tout ça. L'Occident n'a pas toujours été humaniste, au contraire. Puisque l'Occident a commencé par le Moyen-Âge, qui a été une civilisation, comme vous le savez, théocentriste, c'est-à-dire où non seulement l'homme avait Dieu pour origine, mais l'homme avait Dieu pour fin. Il dépendait de Dieu existentiellement, et sa finalité, sa destination, était de se vouer à Dieu et d'atteindre, si possible, dans la cité temporelle, disons, le maximum de transcendance réelle. Et dans la fatigue qui suivit la fin du Moyen-Âge, une autre valeur est apparue qui a donné la Renaissance. Et cette autre valeur qui est apparue, c'est l'homme. L'homme qui, même dans l'intérieur d'un humanisme chrétien, se libère de Dieu, se détache de Dieu et s'épanouit pour lui-même. L'homme trouve en soi, à défaut de son origine, et encore en y tente de plus en plus, n'est-ce pas ? du moins sa propre destination, sa propre finalité et, disons d'un mot déjà un peu trop moderne, son propre bonheur, la justification heureuse de son existence. C'est le philosophe Maurice Clavel qui s'exprime en 1971 à propos de l'humanisme. Stéphane Pujol, on a cette lecture à avoir de l'humanisme. C'est en lien avec la religion ou la place de l'homme dans l'univers par rapport à Dieu. Oui, absolument. L'humanisme des Lumières est peut-être déjà en partie celui de la Renaissance, il se construit, je dirais pas contre l'idée de Dieu, mais en marge, il se détache, il se libère, puisque au fond, ce qui est au centre de ce concept, c'est la question quand même de l'éducation de l'homme, hein, de sa formation et de son éducation. Et les Lumières vont avoir pour objet de doter l'homme, d'inviter l'homme à être un être autonome, à penser de manière autonome, c'est-à-dire sans tutelle, c'est-à-dire sans a priori, sans préjugés, comme on disait autrefois, sans dogme. Et là, évidemment, on voit bien, hein, dans ce souci d'autonomisation de la raison, de la pensée, que ça peut difficilement faire bon ménage avec l'esprit dogmatique des hommes d'Église du XVIIIe siècle. Et puis c'est ce que l'on retrouve au XIXe siècle, parce que il faut le rappeler, nous parlons de siècles, mais enfin ce sont des générations et ce sont des relais constants. La pensée du XIXe siècle autour de l'humanisme, on a parlé du positivisme, et moi je reprends le contisme, Juliette Grange, parce que comme ça on l'utilise, tout ça c'est un héritage des Lumières. Oui, sauf que pour Comte, les Lumières sont un peu trop critiques, un petit peu trop négatives. Elles ont joué un rôle considérable pour construire la possibilité de la Révolution française, mais lui, il veut, dit-il, terminer la Révolution, c'est-à-dire aussi faire aboutir les Lumières, en faisant une proposition. Alors les propositions sont toujours datées, hein, mais en faisant la proposition d'une morale, d'une politique, d'une religion adaptée à l'âge de la science, mais qui satisfait aussi ce qui n'est pas présent d'après lui dans le XVIIIe siècle, pour lui siècle d'incroyance, qui satisfait aussi le sentiment humain, le désir de spiritualité, de religiosité, qui, d'après lui, est au fond des sociétés humaines. Une société ne peut vivre sans religuer, sans lien, et donc sans rite. C'est pour ça qu'il invente cette religion étrange, cette religion de l'humanité. Si vous passez place de la Sorbonne à Paris, vous avez le buste d'Auguste Comte qui autrefois était en face de la Sorbonne, ce qui en dit long sur l'importance de ce penseur au début du XXe siècle dans les savoirs académiques en philosophie. Et donc ce buste qui est actuellement très sale et qui a été mis sur le côté devant la librairie philosophique Vrin, au-dessus du buste, vous avez la déesse humanité qui tient son fils, l'homme, dans ses bras. Et à droite, il y a le prolétaire ou le peuple avec ses instruments de travail. Donc, Comte a voulu créer. Alors, il y a un aspect dérisoire et en même temps, c'est assez puissant. Une figuration de l'humanité, parce que pour lui, le XVIIIe siècle est incomplet. Il veut l'homme avec un H majuscule est un concept trop vague, trop abstrait. L'humanité est complexe, diverse, fruit d'histoires, de récits. Donc, il faut un nouveau Dieu. Et pour lui, c'est une déesse, l'humanité, qu'il figure ici. Et donc, il a tout un programme. Cette déesse incarne l'altruisme, et non plus la charité chrétienne, l'aide concrète des intéressés. Elle est présente dans tous les métiers de l'humain, principalement pour lui l'éducation, la médecine, qui font le lien entre les savoirs, les sciences exactes, et la vie sociale. Donc, il conçoit des temples de l'humanité, sur le modèle du Panthéon à Paris. Il y en a encore un ou deux au Brésil, je crois. C'est une sorte de maison de la culture, dispensaire, lieu de rencontre, où donc ce culte de l'humanité, au travers de la culture, au travers de tous les textes et de toutes les œuvres et de toutes les connaissances qu'ont produit les hommes depuis l'Antiquité, sont enseignées, sont répercutées. Donc c'est à la fois central pour l'humanisme et pour le XIXe siècle, et en même temps créer une religion de toutes pièces. C'est un côté dérisoire et touchant, donc. D'autant plus qu'il pense aussi le fait que Dieu n'est plus hors du monde, mais il est dans la vie sociale, dans la concrétude terrestre. C'est pour ça que c'est une figure féminine désormais, la déesse humanité, dans la mesure où c'est le Dieu de l'humble tâche, de la réalisation concrète de l'altruisme et de la fraternité, dans le grain même des actes sociaux, dans nos relations sociales même. Donc, c'est pour lui une figure du salut terrestre, qui ne sera plus dans un autre monde, mais qui est dans ce monde-ci, précisément, donc dans ses actes concrets et dans cette vie sociale concrète. Cette humanité que l'on retrouve, vous l'avez rappelé, avec le buste d'Auguste Comte, place de la Sorbonne, devant la librairie Vrin. Mais la librairie Vrin, c'est l'immeuble là où habitait Auguste Comte quelques années, alors qu'il était secrétaire de Saint-Simon. Et Saint-Simon qui, dans le même temps, écrivait son nouveau catéchisme. Dans le nouveau christianisme, toute la morale sera déduite directement de ce principe. Les hommes doivent se conduire en frères à l'égard les uns des autres. Et ce principe, qui appartient au christianisme primitif, éprouvera une transfiguration d'après laquelle il sera présenté comme devant être aujourd'hui le but de tous les travaux religieux. Ce principe régénéré sera présenté de la manière suivante. La religion doit diriger la société vers le grand but de l'amélioration la plus rapide possible de la classe la plus pauvre. Ceux qui doivent fonder le nouveau christianisme et se constituer chefs de la nouvelle Église, ce sont les hommes les plus capables de contribuer par leurs travaux à l'accroissement du bien-être de la classe la plus pauvre. Les fonctions du clergé se réduiront à enseigner la nouvelle doctrine chrétienne, au perfectionnement de laquelle les chefs de l'Église travailleront sans relâche. Le nouveau christianisme de Saint-Simon, lu par Thomas Beau dans le cours de l'histoire. Thomas qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, Juliette Grange. En 1825, Saint-Simon écrit son nouveau christianisme. C'est bon, Auguste Comte n'est plus secrétaire, je crois, depuis un an, mais il reste toujours très proche. C'est intéressant de voir cette idée d'humanisme liée à la religion, mais toutes les formes que peuvent prendre ce mot au sens où c'est le bien-être de l'humain qui est toujours mis en avant. Oui, en effet, toute cette pléiade de penseurs, mais il y a une pléiade de réformateurs sociaux, on ne parle ici que de quelques-uns, donc c'est un mouvement oublié de socialisme utopique, Comte se dit socialiste, avec un idéal fraternitaire et néo-chrétien, qui est au centre de l'humanisme du 19e, mais aujourd'hui un petit peu oublié, parce que à partir du milieu du siècle, la situation s'est tendue entre l'Église catholique en France les mouvements positivistes, humanistes, saint-simoniens, etc. Ces mouvements sont divers et ils ont des destins divers, mais disons globalement, c'est plutôt comme ça. Et donc, l'Église catholique s'est tournée vers le passé, vers la contre-réforme du XVIIe siècle, vers une dévotion très tridentine. Et donc, il y a eu un clivage qui fait que cet humanisme, ces réformateurs sociaux, cet idéal fraternitaire qui vise donc à améliorer le bien-être matériel et moral de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, c'est Saint-Simon, eh bien, c'est un peu son essence ou son identité, c'est un peu perdu dans la polémique. Sa richesse multiple s'est perdue dans cette tension du milieu du siècle. Et aussi par le fait que ça va être très critiqué chez Nietzsche, chez d'autres, dans la suite de l'histoire de la philosophie. Stéphane Pujol, l'homme du 18e siècle que vous êtes, s'étonne de ce qui se passe après, au sens où il y a Saint-Simon, son nouveau christianisme, Auguste Comte et une forme de religion. Est-ce qu'au 18e siècle, chez les philosophes, ce serait possible? Ils ont déjà leur religion qui est bien là et bien présente. Oui, on va dire que globalement, la religion des philosophes, si on peut l'appeler comme ça, c'est le déisme, c'est-à-dire une religion précisément sans prêtre, sans dogme, sans église, et qui nous apparaît par nos facultés rationnelles, mais ce qui m'intéresse dans ce que dit Juliette Grange et la question que vous posez, c'est en fait de voir que il faut avancer un petit peu dans le temps, et on voit que grâce à Voltaire, grâce à toute cette réflexion autour de ce qu'est l'humain, de la notion d'humanité, il y a dans les dernières années du XVIIIe siècle, et alors véritablement durant la Révolution française, il y a en effet, l'humanité devient déjà une déesse. On a presque des cultes. Il y a aussi une religion révolutionnaire. On le sait. Robespierre, en tout cas, voudra l'instituer. Et on peut peut-être hasarder l'idée que dans cette nouvelle religion que voudraient voir en tout cas certains révolutionnaires, il y a cette humanité comme femme. Et en tout cas, on assiste du point de vue social à des choses très intéressantes. Il y a des maisons d'humanité de bienfaisance. Vous voyez, ça se traduit concrètement par des établissements qui sont finalement le fruit d'une réflexion sur cette notion-là. Voilà. Ah voilà, une demi-heure que nous échangeons autour des mutations de ce mot humanisme, humaniste, c'est mille et une vies de l'humanisme, c'est métamorphose. C'est peut-être le moment de faire le point à travers Lévi-Strauss. Dans sa réflexion, Lévi-Strauss dit qu'il a existé trois humanismes dans l'histoire de l'Occident. L'humanisme premier, celui de la Renaissance, qu'il qualifie d'aristocratique et qui est associé, lié à la découverte des textes de l'Antiquité classique. Le second humanisme, qui est celui du XIXe siècle, qu'il appelle à la fois exotique et bourgeois, lié à la fois à la découverte des cultures de l'Asie, mais aussi à la révolution industrielle. Et finalement, l'humanisme qui est le sien, celui de l'ethnologue et de l'anthropologue, et qu'il appelle démocratique, et qui est en partie démocratique parce qu'il prend en compte des choses qui étaient exclues des deux premiers humanismes. Le geste, le mythe, tout ce qui a échappé à la raison. Quand on regarde les trois humanismes, on peut, pour simplifier, dire qu'ils sont caractérisés par une manière de voir le document. L'humanisme de la Renaissance, c'était la philologie critique et la méthode critique. L'humanisme exotique, c'était la méthode comparative qui a obligé de comparer les textes fondateurs de l'Occident avec d'autres cultures. Et l'humanisme structuraliste de Lévi-Strauss, qui a pris en compte la totalité de l'humain. C'est en 2011 que Milad Wehi s'exprimait à Historien des religions à propos de l'humanisme chez Lévi-Strauss. Alors vous, Stéphane Pujol, j'ai bien noté, votre humanisme au XVIIIe siècle est exotique bourgeois. Alors, je vais pas revenir sur ce que, enfin, disons que je vais pas m'inscrire en faux contre ce formidable penseur qu'est Lévi-Strauss. Mais Lévi-Strauss, il c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le XVIIIe siècle. Il a une profonde admiration pour Rousseau, il est pas sans savoir que l'anthropologie, qui est une discipline en effet moderne, qui n'existe pas encore comme telle au XVIIIe siècle, et dont il est un éminent représentant, Claude Lévi-Strauss, l'anthropologie, elle trouve ses bases précisément au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la découverte, l'ethnologie et l'anthropologie, c'est pas exactement la même chose, mais l'ethnologie, c'est de travailler sur un matériau qui sont les cultures, les peuples dans leur diversité de mœurs, de coutumes, etc., de religion. L'anthropologie, elle essaye de penser, de systématiser, de définir, en quelque sorte, en tout cas l'anthropologie à l'origine, de définir une nature humaine qui serait commune, et tout ça, on le trouve au XVIIIe siècle, dans les relations des voyageurs, dans les relations des missionnaires, dans les grandes circumnavigations, dans les voyages de découverte scientifique. On s'intéresse bien sûr aux plantes, à la terre, à la géologie, mais on s'intéresse aux cultures et aux hommes qu'on rencontre. Et puis, il faut quand même rappeler que cette ouverture vers l'extérieur, elle existe dès la fin du XVIIe siècle, avec l'ouverture sur l'Orient. Par exemple, l'intérêt qu'on a pour la Chine, on la trouve chez Leibniz, on la trouvera à nouveau chez Voltaire. Dans l'essai sur les... Il y a un texte extraordinaire de Voltaire, qui n'est pas un texte d'anthropologie, loin de là, hein. C'est un texte d'historien qui s'appelle l'essai sur les mœurs, publié, on va dire, autour de 1756, même s'il est rédigé un peu avant. Voltaire, il recense en fait l'ensemble des mœurs des populations de la planète, et il manifeste un très grand intérêt, notamment pour la Chine, pour les cultures orientales, etc. Donc il y a cette prise de conscience que l'humanité, ce que Montaigne savait déjà, hein, il y a quelque chose de... Puisqu'on a commencé la semaine avec Louise Labbé et le XVIe siècle, Montaigne est évidemment un quelqu'un qui est tout à fait central et passionnant pour cette histoire, puisqu'il est à la fois universaliste et, je dirais, relativiste. C'est exactement ce que sont les numéros, à la fois universaliste et relativiste. On en parlera peut-être après. Stéphane Pujol, vous êtes l'auteur de Morale et sciences des mœurs dans l'encyclopédie. Ce côté universaliste pour le XVIIIe siècle, c'est vraiment fondamental. Et vous l'avez souligné, il y a la connaissance de plus en plus développée du monde, avec ce monde que l'on veut ordonner, classer, comprendre. C'est un peu ce qu'on entendait dans le commentaire sur Lévi-Strauss. Le XVIIIe siècle, c'est le temps pour le document de la comparaison. L'accumulation aussi, hein. On accumule et on compare. Mais le regard que ces hommes du XVIIIe siècle pouvaient avoir sur l'humanisme premier, celui de la Renaissance, c'est un peu ça aussi, c'est chercher. Mais j'ai l'impression que c'est moins que ce qui se passe après. Juliette Grange, est-ce qu'au XIXe siècle, là, on a un retour sur l'humanisme parce que, ben, peut-être lié à d'autres mouvements comme le romantisme, il y a un intérêt sur cette période un peu exotique? En ce qui concerne Auguste Comte, il a fait une liste qui nous fait sourire aujourd'hui, qui s'appelle la bibliothèque du prolétaire, où il recense tous les ouvrages qui sont essentiels pour l'humanité. De la même façon que dans la chapelle de l'humanité, que vous pouvez visiter à Paris, hein, dans le Marais, vous avez la figuration des noms, c'est calendaire, hein, c'est organisé en calendrier, de tous les grands hommes, de tous les créateurs, de tous les savants, depuis la toute première antiquité jusqu'au XIXe siècle. Donc il y a chez Comte le souhait de rassembler, alors évidemment il y a des choses qu'il ignore à l'époque, mais c'est ouvert à l'humanité entière, c'est un des rares penseurs vraiment universalistes. Par rapport à la culture qu'il pouvait avoir au moment où il écrit, bien entendu, il y a des manques. Donc c'est son ambition, embrasser tout l'espace et tout le temps, à la mesure de ce qu'il appelle le grand fétiche, c'est-à-dire la Terre, dans toute son histoire et dans tout son espace. Être curieux d'absolument tout, dans toutes les dimensions. Donc, c'est cet aspect universaliste. Alors, bon, Lévi-Strauss, c'est magnifique, mais bon, il s'accorde quand même un primat démocratique. Je pense que le 19e siècle lutte très sérieusement, hein, pour un savoir démocratisé, un humanisme ouvert. Alors, c'est très divers, bien entendu, mais qualifié d'humanisme bourgeois, moi, je trouve ça peut-être quand même un petit peu dépréciateur. Ça n'amène pas à une exploration, à mon avis, nécessaire, hein, de tous ces textes qui ont construit la manière dont nous concevons l'éducation, la culture, l'honnête homme au XXe siècle. Donc, je récuserai la formule de Lévi-Strauss. De bourgeois. Voilà. Avec ces textes réunis, cette liste de toutes les grandes œuvres de l'histoire de l'humanité, très bien. Mais quelle place pour Louise Labbé ? Là, ces 8 jours, pourquoi l'ai-je dû voir, puisque ses yeux allaient ardre mon âme ? Donc, amour, faut-il que par ta flamme soit transmuée notre heure en désespoir ? Si on savait d'aventure prévoir ce que vient l'or, plaintes, pointures et blâmes, si fraîche fleur évanouir son bâme et que tel jour fait éclore tel soir, si on savait la fatale puissance, que vite aurais-je échappé sa présence, sans tarder plus, que vite l'aurais fui. Là, là, que dis-je ? Oh, si je pouvais renaître ce jour tant doux où je le vis paraître, oisel léger, comme j'irais à lui. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le sonnet de la Belle Cordière, lu par Frédéric Labussière, un sonnet attribué à Louise Labbé, mais selon certains chercheurs, chercheuses, notamment Françoise Charpentier, il s'agit d'un pastiche du 19e siècle. Juliette Grange, on parle beaucoup d'universalisme, d'humanisme. Louise Labbé, autrice, quelle place pour les femmes dans toute cette réflexion ? Justement, j'y pensais à l'instant. Auguste Comte se serait réjoui, hein, de ce texte, parce que, alors, il pense d'une manière à la fois laudatrice et méprisante que les femmes ont une capacité à exprimer l'amour, en particulier dans la poésie, qui leur est particulière. Elles sont pas très douées en sciences et en philosophie, c'est dommage. Il pensait que l'expression des sentiments était assez féminine et plutôt susceptible de s'exprimer dans le domaine de la poésie. Alors c'est étonnant pour un penseur qui est réputé pour sa philosophie des sciences, parce que il préconise ce qu'il appelle la prière quotidienne, donc chaque soir lire une poésie avant de s'endormir, au lieu de réciter sa prière, et donc lui préconise plutôt de lire Dante, la Divine Comédie, mais il y a toute une liste de poésies. Alors il faudrait que je vérifie si à Louise Labbé, je ne pense pas, parce qu'elle était peut-être pas suffisamment connue au moment où il écrit. C'est beaucoup la poésie des troubadours qu'il apprécie, enfin l'expression de l'amour. Lui-même se ridiculise en tentant d'exprimer son amour fou pour une jeune femme en tête de son énorme somme qui s'appelle Système de politique positive de 2000 pages. Et je dois dire qu'il n'est pas très très doué lui-même pour la poésie. Donc on peut penser qu'en effet, il aurait apprécié ce poème et qu'il nous conseille de lire chaque soir de la poésie. Eh ben c'est vrai que c'est un très bon conseil. Une page de poésie par jour avant de dormir. Stéphane Pujol, je vous pose la même question pour les philosophes du siècle des Lumières au XVIIIe siècle. Dans leur humanisme, dans leur universalisme, quelle place pour les femmes ? J'ai envie de dire insuffisante, toujours, parce que la femme n'est pas, n'est en tout cas à première vue, pas l'horizon premier. D'abord parce qu'on pense en termes justement abstraits, en termes de généralité, d'ailleurs le genre humain en tant que tel, et pas simplement l'homme ou la femme. Néanmoins, je corrigerai en disant que dès l'instant où, comme disait Proudhon dans sa formule tout à l'heure, prendre l'homme pour fin, hein, c'est une belle formule, l'idée c'est de doter l'homme de droits individuels. Hein. Et il y a un moment, bien sûr, la question va se poser, quid du droit des femmes et du droit à l'éducation, notamment du droit, enfin à tous les droits subjectifs hein, que la Révolution va s'efforcer de formaliser. Donc la femme va tardivement, même s'il y a toute une série de textes qui entendent prendre en compte le rôle de femme et l'inclusion de la femme dans un système de droit, c'est avec des philosophes comme Condorcet en particulier dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et puis des femmes révolutionnaires. Olympe de Gouges, évidemment, qui va faire une déclaration des droits de la femme absolument extraordinaire. Donc on va prendre conscience tardivement que cette humanité, elle est composée au moins à moitié de femmes qui ont des droits et qui doivent être en capacité d'intervenir dans les affaires publiques, ce qui est malheureusement encore très peu le cas, mais qui le sera quand même un petit peu. Parce que l'humanisme du siècle des Lumières, ce n'est pas un mouvement qui unit l'ensemble des philosophes, c'est-à-dire qu'il est porteur de ses propres critiques. Alors, ça c'est une question absolument passionnante. Quand on dit, quand on parle aujourd'hui, quand on connaît l'histoire de la philosophie contemporaine, on voit à quel point l'humanisme a fait l'objet de critiques. La postmodernité a été extrêmement féroce à l'égard du XVIIIe siècle et de cet idéal des Lumières, de cet idéal humaniste universaliste. Hein. C'est une longue histoire. Hein, je ne vais pas la refaire ici, mais pour comprendre les choses, il faut rappeler qu'on oppose traditionnellement l'universalisme et le relativisme comme deux systèmes de morale. Enfin, et dans cette perspective, il est convenu souvent de considérer que les Lumières sont du côté de l'universalisme et surtout d'un universalisme abstrait qui ne tient pas compte, pas suffisamment, de la variété des cultures et des mœurs. À mon sens, rien n'est plus faux, ou en tout cas c'est tellement faux que au XVIIIe siècle, l'Église a justement reproché aux philosophes non pas leur universalisme, mais leur relativisme, hein. C'est-à-dire le fait que la nature humaine se décline différemment selon les lieux, les temps, et que avec une dimension, j'ai envie de dire sociale et politique, puisque cette extraordinaire diversité des peuples, dès lors qu'on la prend en compte. Elle fait valoir différentes règles de morale. Il n'y a plus une morale qui serait la morale chrétienne, par exemple. Il y a des morales. Et puis, du point de vue politique, le fait qu'aucun gouvernement, aucun système social, aucun État, aucune religion ne peut s'ériger en modèle exclusif. Donc, les Lumières ont bien été aussi à l'origine de la pensée relativiste. Et c'est ça qui est passionnant, c'est cette articulation problématique, hein, problématique d'un universalisme qui souvent est un peu abstrait, avec un relativisme critique. Alors, ma collègue disait tout à l'heure, pardon, Auguste Comte reproche aux Lumières d'être critique. Eh bien oui, hein, ah, oui, c'est j'ai envie de dire toute leur vertu, hein, d'ériger la critique comme instrument de pensée, c'est-à-dire remettre en cause les certitudes établies et à ce titre remettre en cause, par exemple, de manière un peu paradoxale, l'ethnocentrisme, l'européanocentrisme, le fait de penser que nous sommes les meilleurs, les premiers en toute chose. Il y a évidemment des penseurs ou des textes qui vont sans le dire dans ce sens-là, mais il y a aussi avec la figure du bon sauvage et l'intérêt qu'on porte à des figures de pensée, à des modes de pensée différents, des modes de vie aussi différents, il y a cette idée d'une relativité de nos propres systèmes et de tous les systèmes en général. Oui, et puis, dès lors, nous pouvons essayer de comprendre comment, à la fin du XVIIIe siècle, certains qui s'appuient sur toutes ces réflexions ont cherché à mettre en place des systèmes. Et on voit bien, pendant la période révolutionnaire, combien c'est compliqué. Et le mouvement se poursuit, bien sûr, au XIXe siècle, avec tant de penseurs, par exemple Pierre Leroux. Alors, je vous propose un jeu, vous allez voir, dans l'archive que l'on va entendre, il y a un prote. Saurez-vous le trouver ? Pierre Leroux est né le 6 avril 1797 à Paris et il est mort à Paris après une existence mouvementée le 12 avril 1871. Les seules longueurs de ses années montrent qu'il a traversé tout le 19e siècle et ne serait-ce qu'à ce titre, c'est un écrivain passionnant. Il a été successivement journaliste, député, critique littéraire, philosophe, économiste, et quand je dis successivement, le mot ne convient pas, parce qu'il a été tout à la fois. Pour gagner sa vie au début de son existence, il a été tout de suite intégré à la vie active comme imprimeur et comme prote. Il a eu 2 mariages avec 9 enfants. Il était très nataliste. Oui, et surtout il pensait qu'il fallait qu'un philosophe ait des enfants. Avez-vous su trouver le prote ? Le prote, c'est Jean-Pierre Lacassagne qui l'évoque sur France Culture en 1980. Un prote, c'est un contremaître dans un atelier d'imprimerie au plomb. Je ne le savais pas, je l'ai appris. Juliette Grange, qui est Pierre Leroux ? On a eu sa biographie tracée en quelques mots. Donnez-nous son apport. Il est considérable, surtout c'est peut-être, contrairement à Auguste Comte, un homme d'action, c'est-à-dire il a mis en pratique son humanitarisme, son socialisme, il a payé de sa personne, il a payé assez cher ses engagements, il a commencé comme Proudhon un métier manuel, enfin il a pratiqué un métier manuel, il a essayé de mettre en place des sortes d'utopies en acte de coopératives ouvrières. Il est au centre de création de supports de presse. Et en même temps, comme beaucoup de penseurs, et ça leur nuit actuellement du 19e humaniste, il est l'auteur d'œuvres très vaste en volume, par exemple de l'humanité, c'est comme l'œuvre de Proudhon ou celle de Comte, ça nécessite d'y passer ses vacances d'été si on veut un petit peu approfondir. Ce qui le caractérise, c'est peut-être la mise en pratique personnelle et aussi l'influence qu'il a pu exercer dans toutes sortes de milieux sur une période assez vaste, charnière, hein, où justement se met en place un certain vocabulaire. Il a inventé le mot de socialisme, peut-être pas exactement dans l'acception avec laquelle on l'emploie aujourd'hui, mais donc c'est contrairement à Comte. Comte est un homme de cabinet, il déteste sortir de Paris, il écrit de la philosophie toute la journée. Saint-Simon a eu plusieurs vies, mais sa dernière vie est plutôt celle d'un scolaire. Enfin, il essaie d'écrire, mais Proudhon est peut-être c'est un symbole de l'humanisme, de l'humanitarisme du premier 19e siècle. Avec tous ces personnages qui se croisent, on est sur des systèmes de réseaux qui ne réunissent pas seulement des penseurs. Là, on évoque Pierre Leroux, ce n'est pas simplement quelqu'un qui travaille avec d'autres socialistes. Lui, puisqu'il est journaliste et qu'il porte des revues, il est en lien avec Georges Sand, avec tant et tant d'autres personnes qui toutes portent l'humanisme. Juliette Grange. Tout à fait. Donc on peut. C'est pour ça que c'est difficile à cerner parce que nous devons passer. Enfin, tout n'est pas dans les textes. Par exemple, pour les disciples de Comte et de Saint-Simon, c'est une nébuleuse, c'est un archipel, ça va dans toutes sortes de directions. Donc, étant donné que c'est pas un objet d'étude tout à fait prioritaire à l'intérieur des structures académiques, on peine à avoir une cartographie, à bien saisir. Alors, Pierre Leroux a été étudié, mais peut-être pas suffisamment non plus, et on le met peut-être pas en relation. On sait qu'il a eu beaucoup de relations diverses et d'influences, mais le travail de Lacassagne est remarquable. Mais disons, on manque peut-être de grandes monographies et aussi d'une mise en relation entre ces différentes doctrines pour en avoir un tableau qui soit indulgent aussi, parce que beaucoup d'études sont extrêmement critiques. C'est des œuvres qui n'entrent jamais vraiment dans le champ philosophique. qui ne sont pas, comme Hegel, par exemple, entrés dans le commentaire philosophique classique, qui sont à la limite de l'histoire des idées politiques, parfois de la littérature pour certains. Et donc, c'est un champ peu exploré, il y a peu de thèses sur toutes ces questions, et pourtant c'est un grand moment de la pensée française, dont on voit encore l'influence parfois à l'étranger, mais ça manque peut-être d'études un petit peu approfondies, d'où notre difficulté à saisir l'humanisme, qui reste présent dans notre champ culturel, surtout par les critiques qu'il a recueillies. Critiques qui ont été un petit peu énumérées par mon collègue, mais Nietzsche, par exemple, se moque avec brio de la philanthropie qui, pour lui, succède au christianisme, religion des faibles, ici doublement condamnée. Beaucoup de penseurs indiquent au XXe siècle, et la critique marxiste de l'universalisme bourgeois, le rejet de l'universalisme et des Lumières par Heidegger. L'humanisme est un nazisme, écrit un penseur heideggerien. Toute la pensée postmoderne considère que l'humanisme est un repoussoir. Les races, les identités de genre, les civilisations, les appartenances culturelles doivent prendre la place de l'universalisme humain. Donc c'est un mouvement au XXe siècle qui empêche l'étude et l'identification de ces grands penseurs du XIXe siècle qui méritent l'inventaire. C'est pas pour les prendre tels que et se mettre à pratiquer la religion de l'humanité place de la Sorbonne, mais je pense que c'est des facteurs de réflexion. On étudie le XVIIIe siècle est plus centré dans le champ académique, plus présent dans le champ académique, alors que ces penseurs du XIXe sont passés un petit peu à l'as. On retient surtout la critique légitime dans certains cas qu'on a pu leur adresser. Stéphane Pujol, vous êtes d'accord avec cette analyse historiographique ou en tout cas de l'histoire même de l'étude de ces sujets-là avec des penseurs du XVIIIe siècle. C'est vrai qu'ils sont mis en avant, mais peut-être qu'aussi il y a la Révolution française et que comme ils sont à l'origine de la Révolution française, ça va. Alors que ces penseurs socialistes, parfois utopistes du XIXe siècle ont peut-être pu faire peur. Écoutez, mise en valeur dans le milieu académique, je veux bien, comme disait ma collègue, mais aujourd'hui on assiste à un mouvement, une offensive absolument d'une violence extrême et qui se décline de toutes sortes de manières en France, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, contre les Lumières et contre cet humanisme des Lumières, contre bien sûr encore une fois contre son universalisme, contre a contrario son relativisme. On ne cesse de vouloir déboulonner les Lumières. Alors, parfois, avec des très bonnes raisons, hein, c'est une façon aussi de repenser l'histoire, mais finalement, on voit que on jette souvent le bébé avec l'eau du bain, et on ne se rend pas compte du travail, de la formidable émancipation que ça a représenté. C'est l'idée de promouvoir l'homme comme le centre, enfin le centre, oui, le centre de toute chose, pas au sens cartésien du terme, maître de l'univers, hein, mais notre fragilité, il y a beaucoup de travaux en philosophie aujourd'hui qui insistent sur le concept de vulnérabilité, pardon. Tout ça, les lumières l'ont mis en avant. Il y a pas seulement la pensée rationnelle, rationaliste, et d'une certaine manière un certain dogmatisme de la raison, c'est aussi cette idée d'une sensibilité, d'une fragilité, d'une capacité compassionnelle à être touchée par les malheurs d'autrui. Et alors bien sûr qu'il y a des contradictions au sein des Lumières, on se fait fort de les pointer aujourd'hui, mais c'est d'abord un mouvement émancipateur, c'est d'abord un mouvement qui vise à permettre aux hommes d'avoir précisément des droits, d'être autonome, et il se nourrit, ce mouvement, enfin cet universalisme des Lumières, il se nourrit de ses propres contradictions. Ces contradictions, elles existent dès le XVIIIe siècle. On les trouve chez Rousseau, au-delà du côté allemand. C'est très très intéressant de voir ce que Herder, le penseur allemand, fait de la critique de Voltaire. Il y a vraiment une mise en cause, mais qui est critique, qui est intéressante de l'universalisme des Lumières. Donc les Lumières ne cessent d'être de renaître en fait de leur propre cendre, et l'humanisme avec, et je pense que c'est quelque part quand c'est fait intelligemment, de manière réflexive, ce qui n'est pas toujours le cas. On assiste aujourd'hui à des mouvements d'une formidable violence, mais ça permet, comme étaient les Lumières, c'est-à-dire d'avoir une démarche critique. Au fond, ça serait appliquer aux Lumières leur propre programme, c'est-à-dire la critique de la critique, et ça c'est une bonne chose. Ben oui, c'est une bonne chose, et puis toute la question se pose sur la destinée de l'humanisme au XXe siècle, avec toutes ces transformations des documents, le latin, le grec, Diantre, de moins en moins répandu comme une connaissance évidente. Stéphane Pujol, c'est vrai que peut-être qu'il faut faire sans cesse preuve, on le sait en histoire, de contextualisation pour comprendre l'humanisme, de modestie aussi. Le mot est difficile à saisir. Déjà, disons cela, et mettre l'humain au centre des préoccupations et le souci de l'autre. S'il faut retenir quelque chose, c'est plutôt porteur cet humanisme-là. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, c'est l'idée que je défends. Je suis souvent frappé par certaines pentes qu'a pris la philosophie contemporaine à partir de Foucault, de Derrida et puis déjà au début du XXe siècle, d'une critique de l'humanisme au sens où ce serait un nouveau dogmatisme. Alors bien sûr que l'humanisme parfois il couvre des réalités, le colonialisme, etc. Enfin quand on regarde de près, mais les choses sont infiniment complexe et vous avez raison, il faut contextualiser, toujours. Toujours contextualiser et accepter la complexité. Merci beaucoup à vous de Stéphane Pujol, morale et science des mœurs dans l'encyclopédie. Merci beaucoup également Juliette Grange avec Comte, philosophie politique mais aussi l'idée de l'Europe au 19e siècle. Un peu d'humanisme, ça faisait du bien. Merci beaucoup à vous deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les Allemands ont-ils résisté à Hitler ? Le rôle que les Allemands ont joué dans la lutte contre le pouvoir hitlérien a longtemps été ignoré en France. Pourtant, on sait aujourd'hui que cette résistance intérieure a pris des formes diverses et qu'elle a touché tous les milieux politiques, sociaux et confessionnels. Parmi les exemples les plus connus, on peut citer le réseau que la Gestapo a surnommé « l'Orchestre Rouge », un réseau international d'espionnage en contact avec l'Union soviétique, dont une antenne était située à Berlin. À Munich, des étudiants chrétiens ont fondé, dans un atelier de peinture, un autre groupe de résistants, surnommé la Rose Blanche. On peut citer aussi les nombreux projets, souvent concoctés au sein même de l'armée allemande, visant à éliminer Hitler, projets qui culminèrent avec l'opération Valkyrie, le 20 juillet 1944. Plusieurs raisons expliquent pourquoi cette résistance intérieure n'a pas eu beaucoup d'impact dans notre mémoire collective. La première tient au fait qu'il s'agissait d'actes le plus souvent isolés, qui furent tous férocement réprimés. La seconde raison, c'est que ces actions de résistance ont fait l'objet de nombreuses controverses, y compris parmi les historiens. La République démocratique allemande, RDA, restée sous la coupe de l'URSS jusqu'à la réunification de l'Allemagne en 1990, a surtout valorisé le rôle des résistants communistes, alors qu'en Allemagne de l'Ouest, on a plutôt insisté sur la diversité des groupes engagés dans le rejet du nazisme. Ces clivages mémoriels ont été accentués par la difficulté que représente l'interprétation de certains comportements. Étant donné que le Troisième Reich était une dictature, la résistance ne pouvait pas être frontale. Il fallait donc collaborer un minimum pour pouvoir résister. C'est cette ambiguïté qui a alimenté des interprétations contradictoires. Prenons le cas de Georges Hessler. Ce menuisier, ancien syndicaliste, proche du Parti communiste, prépara durant plusieurs mois, dans le plus grand secret, un attentat contre Hitler. Le 8 novembre 1939, il fut explosé une bombe dans une brasserie qui causa la mort de 8 personnes. Mais Hitler, qui avait quitté les lieux 13 minutes plus tôt, fut miraculeusement épargné. Elzer fut arrêté, emprisonné et mourut le 9 avril 1945 au camp de concentration de Dachau. Alors qu'il aurait dû être honoré comme un héros, Georges Hessler fut longtemps soupçonné d'avoir été manipulé par les SS, à tel point qu'il fallut attendre 1970 pour qu'il soit officiellement reconnu comme un résistant. D'autres actes de résistance font toujours l'objet aujourd'hui d'interprétations contradictoires. Dans le camp de concentration de Buchenwald, les déportés communistes, ayant échappé à la mort, ont affirmé qu'ils avaient accepté de collaborer avec la SS afin de pouvoir mettre en place un réseau de résistance contre le national-socialisme. Mais d'autres survivants leur ont reproché d'avoir exercé sur eux des violences injustifiables en pactisant avec l'ennemi pour assurer leur propre survie. En l'absence de preuves tangibles, l'historien doit se contenter de mentionner ces témoignages contradictoires en évitant de sombrer dans ce que Marc Bloch appelait la manie du jugement. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci à Thierry Roufanche et Maximilien Bousquet de France Bleu Limousin Limoges, c'était parfait. Et merci beaucoup à Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Mathieu Copal et Maïwenn Guizio. Le cours de l'histoire à retrouver, à podcaster, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.